Chapitre deuxième. Tout en musant à travers bois, Antoine avait atteint le versant qui déballe vers la Bièmme. Peu à peu, le taillis s'éclaircissait, et à travers les arbres de la lisière, on apercevait les toits de tuiles des Islettes fumant au soleil. En face, la grande route de Clermont filait, blanche et rectiligne, entre une double rangée d'ormeaux très verts encore et de peupliers déjà jaunissants. À droite, la Bièmme miroitait par places parmi des prés mamelonnés, puis de nouveau l'horizon était clos par des forêts moutonnantes. Courouvre s'arrêta au revers d'un fossé et s'y assit nonchalamment. Il arracha une tige de graminée et se mit à la mâchonner méditativement. Maintenant qu'il avait pris congé de son hôtesse de Florent, il s'agissait d'élire un nouveau domicile. Certes, les gîtes où on l'accueillerait à bras ouverts ne manquaient point. Encore fallait-il choisir. Irait-il coucher à la Chalade, à Bellefontaine ou chez son vieil ami le curé de Beaulieu? À Beaulieu, la table de la cure était excellente et le pays giboyeux. Mais le brave abbé Pérardel avait l'humeur sermonneuse à préboire. Il s'était mis en tête de convertir Antoine au mariage, ce qui ne laissait pas d'être fastidieux. À Bellefontaine, on chassait au bois, et il y avait de belles parties à faire. À la Chalade, l'hôtesse était très fraîche et peu bégueule, mais elle possédait deux filles déjà grandelettes et assez gênantes. Antoine, fort perplexe, résolut de s'en remettre au hasard. Derrière lui, une cépée de tremble agitait ses feuilles cliquetantes. Il en cueillit une et la jeta en l'air. La brise la fit un moment virevolter sur place, puis l'emporta vivement dans la direction de Beaulieu. « Bah pour le curé !» soupira Courouvre sans enthousiasme. « S'il me rase par trop avec ses prédications matrimoniales, j'aurai les ressources de filer sur Bellefontaine. » Comme il se levait, 11 heures sonnèrent aux Islettes. En même temps, des grouillements d'estomac lui rappelèrent que son premier déjeuner était loin. Se dit-il, la place d'armes a besoin d'être ravitaillée. Allons casser une croûte. À la croisée de la grande route et du chemin de Bièmme, une auberge assez proprette balançait son bouchon de genévrier au-dessus de cette ancienne habitante et mélancoliquement philosophique, au rendez-vous des vrais amis. Mais il y en a guère. Antoine gagna lestement la salle basse du cabaret. Comme pour corroborer la véracité de l'enseigne, cette pièce était quasi déserte. Les petites tables de toile cirée, méthodiquement alignées sur le carrelage fraîchement arrosé, restaient inoccupées, à l'exception d'une seule, où devant une assiette et un verre, un client attendait patiemment qu'on le servît en lisant le petit journal. Cet unique consommateur était un garçon d'une trentaine d'années, replet, bas sur jambes, correctement vêtu d'un complet gris-souris. Par-dessus le journal qu'il tenait tendu entre ses doigts courts, on apercevait un crâne aux cheveux blancs et ras, déjà clairsemés, et deux yeux ronds candides. « J'ai vu cette boule-là quelque part, » pensa Antoine en déposant son carnier et son fusil et en frappant bruyamment sur la table pour appeler la servante. Distrait de sa lecture par ce tapage, le consommateur rabattit son journal sur ses genoux et se mit, de son côté, à examiner curieusement le nouveau venu. Ses yeux s'écarquillaient, et une expression un peu ahurie ouvrait à demi sa bouche gobeuse surmontée d'une moustache roussâtre. À ce moment, le cabaretier apparut. « Eh ! » s'écria-t-il, « vous voilà, monsieur de Courouvre !» À ce nom, une lueur éclaira les yeux du petit homme replet. D'un bond, il s'élança vers Antoine. « Comment, c'est toi, Courouvre ? » s'exclama-t-il d'une voix émue. « Tu ne me remets pas, Dordelu, Onésime Dordelu !»« Ah, par exemple, Dordelu !» répondit Antoine en donnant les deux mains à son interlocuteur. « Je me disais aussi, je connais cette tête-là. Comment va, mon vieux ? Il y a crânement longtemps qu'on ne s'est vu. »« Dame, » reprit l'autre avec un honnête sourire épanoui, « depuis notre sortie du collège de Verdun. Tu te souviens de la classe de rhétorique où tu faisais de si bonnes farces au père Herbillon ?»« Oui, j'étais un élève indécrottable, comme disait le principal. Toi, au contraire, Dordelu, tu figurais parmi les piocheurs et ton pupitre était bourré d'exemptions. » Le candide visage d'Onésime Dordelu exprimait une naïve satisfaction. De réchef, il serrait avec effusion les mains de son ancien camarade. « Ce brave Courouvre, que je suis content de te voir, As-tu déjeuné ? Pas encore, mais je venais ici précisément pour ça. Tu vas déjeuner avec moi ? Murel, ajouta Dor de lui en s'adressant au cabaretier, un second couvert. Vous avez un civet de lièvre auquel nous dirons deux mots. Mais auparavant, vous nous apporterez une omelette au jambon. Assieds-toi là, mon bon couvre. Hein ? Quelle veine j'ai eue de venir manger ici au lieu de rentrer à la maison. Regarde-moi, c'est étonnant comme tu as changé depuis que nous nous sommes vus. Ce serait plus étonnant encore si j'étais resté le même, répartit Courouvre en riant de l'ingénuité de son interlocuteur. Nous sommes comme les veaux, nous avons tous les ans 12 mois. Toi aussi, mon vieux, tu t'es modifié. Oui, mais toi, tu as changé à ton avantage, tandis que moi, j'ai pris du ventre et perdu des cheveux. Cet humble aveu toucha Courouvre, qui enveloppa Dor de lui d'un regard amicalement indulgent. De vrai, Onésime, avec ses jambes courtes, ses cils d'un blond pâle, son ventre bedonnant et son commencement de calvitie, n'offrait pas un ensemble séduisant. Mais il y avait tant de bonté dans ses grosses lèvres, tant de confiance enfantine dans ses yeux gris humides. Tu es trop modeste, Dor de lui. Tu es la mine d'un bon enfant et d'un gars solide au poste, c'est l'essentiel. Tandis qu'ils en étaient encore à ces propos préliminaires, d'une douce banalité, qu'on échange ordinairement en pareille rencontre, le cabaretier avait apporté l'omelette au jambon et 2 bouteilles de vin de Thiaucourt. Dor de lui versa quelques gouttes de vin dans son verre, les dégusta, claqua de la langue avec satisfaction, puis remplit libéralement le verre d'Antoine. Ensuite, il lui servit une copieuse portion d'omelette. Courouvre, avec un appétit de chasseur, faisait honneur au déjeuner. Dor de lui paraissait tout heureux de le voir manger et boire. Il le regardait avec admiration, nettoyait son assiette et avalait de belles lampées de vin. « Encore un peu d'omelette ? » insinua-t-il avec un sourire invitant. « Non, merci. Réservons-nous pour le civet. C'est le triomphe de Madame Murel, et tu t'en lècheras les doigts jusqu'au coude. » Courouvre, qui s'y connaissait, ne s'était pas trop avancé. Le civet aurait donné de l'appétit à un moribond. Il baignait dans une sauce brune onctueuse comme une crème et répandait une saveur odeur de serpolet. Les 2 convives lui firent fête et cette bonne chair, arrosée de vin parfumé de Thiaucourt, les rendit plus communicatifs. Les souvenirs du collège semblaient monter du fond de leur cœur et bourdonner autour d'eux comme un bol de hanneton au printemps. Le plaisir qu'on éprouve aux approches de la maturité à se rafraîchir par un retour vers les impressions des jeunes années, leur mettait aux lèvres de joyeux rires. Leur intimité d'autrefois se ravivait à ces évocations, et bien que depuis 12 ans ils eussent vécu loin l'un de l'autre, il paraissait, Onésime surtout, ne s'être jamais quitté. « Ah ça, mon vieux ? » demanda tout à coup Antoine. « Comment se fait-il que je te retrouve attablé au cabaret de Madame Murel ? Demeures-tu par ici ? » ?»« Mais oui, mon ami. » Je suis directeur de la fabrication à la verrerie des Islettes. Bon, tu travailles chez mon cousin dans l'eau ? Parfaitement. Au sortir des arts et métiers, j'avais trouvé un emploi dans une verrerie en Belgique. Quand M. de Danlou a voulu réorganiser son usine sur le modèle des verreries du Nord, il m'a fait offrir de venir chez lui. J'en avais assez de vivre chez les buveurs de bière et j'ai accepté une proposition qui me permettait de rentrer au pays. Ça t'amuse, toi, de voir souffler la bouteille ? Ça m'intéresse beaucoup. La situation d'ailleurs est avantageuse. Au bout de 2 ans, mes appointements ont été augmentés. 4 000 francs et le logement. J'habite tout près d'ici, au Sénade, une gentille maison avec jardin fruitier et potager, ce qui est à considérer quand on est en ménage. Comment, tu es marié ? Mais oui, depuis tantôt 3 ans. Tu conçois, avec mes goûts un peu casaniers, je ne pouvais pas rester garçon. Une fois casé, j'ai cherché femme et j'en ai trouvé une à Bellefontaine. Pas de fortune, mais appartenant à une bonne famille. Et charmante. Un bijou, c'est une noble, ajouta Dor de lui, avec une pointe de vanité naïve. Une demoiselle de Saint-André. Hein ? C'est la fille de David de Saint-André ? Tu la connais ? Nanny, mais j'ai connu sa mère, une belle rube de Lille. Et tout en vidant son verre à petite gorgée, Courouvre se remémorait ces belles rubes de Lille, des verriers ruinés, une vieille famille de l'Argonne, où toutes les femmes étaient belles et de tempérament amoureux. La grand-mère et la mère de Madame Dor de Lu avaient beaucoup fait parler d'elle. On prétendait que ce n'était pas du sang, quelque aphrodisiaque liqueur qui coulait dans leurs veines. il se rappelait avoir vu jadis au Clahon Madame de Saint-André, la mère, une blonde tirant sur le roux, avec des yeux verts, un sourire câlin, une poitrine superbe et une souplesse de couleuvre. Et il songeait que si la fille avait maternisé, le brave d'Ordelu devait avoir de l'agrément avec elle. Seulement le pacifique Onésime était-il à la hauteur. Antoine, par-dessus son verre, examinait son compagnon de table et se sentait touché d'un tendre apitoiement, en constatant que le camarade ne semblait guère de mine à charmer une femme. « As-tu des enfants ? » demanda-t-il brusquement. « Hélas, non, pas encore. Et c'est un de mes tintouins. Christine prétend que rien ne presse, mais je ne l'écoute pas. Une maison sans enfants, c'est une forêt sans oiseaux. N'est-ce pas ton avis ? Oh, moi, tu sais, je n'ai guère étudié la question à ce point de vue-là. Pardon, j'oubliais que tu es célibataire. Ce qui ne t'empêche pas de courir la prétentaine à ce qu'on prétend. Si je t'ai perdu de vue, je n'en ai pas moins souvent entendu parler de toi. Ah, scélérat ! Continua Onésime avec un gros rire. Il paraît que tu en as fait des victimes. Bon, répliqua modestement Courouvre, on en dit plus qu'il n'y en a. Ils venaient d'achever leur café. Tandis qu'Antoine allumait sa pipe, Dordelu payait le cabaretier, puis ils quittèrent l'auberge bras dessus, bras dessous, émoustillés à la fois par les deux bouteilles qu'ils avaient vidées et les excitations de la causerie. Le petit Dordelu, tout fier d'être au bras de ce grand beau garçon de Courouvre, semblait ne vouloir plus le lâcher dès qu'ils furent sur la route. « Ça, dit-il, mon brave, où vas-tu de ce pas ?»« Où je vais ?» répondit gaiement Antoine. « Ma foi, je n'en sais trop rien. J'ai donné ce matin congé à mon hôtesse et j'hésite à aller demander un gîte à mon vieil ami le curé de Beaulieu. Le cher homme est comme toi, il croit à la vertu du mariage et m'en rebat un peu trop les oreilles. « Sais-tu quoi ?» reprit Dordelu. « Puisque tu es libre de tes mouvements, viens passer quelques jours au Sénade. J'ai à ta disposition une jolie chambre où tu seras chez toi et tu goûteras d'un petit vin d'Arbois dont tu me diras des nouvelles. « Réponds oui, mon vieux. Nous taillerons de bonnes bavettes et ce sera charmant. » Antoine l'écoutait, un peu étonné de cette offre plus cordiale que prudente. « J'accepterai volontiers, répliqua-t-il, si tu vivais seul au Sénade, mais tu es marié, et qui sait si Madame d'Ordelu... « Ma femme !» interrompit Onésime. « Elle sera enchantée de recevoir un vieux camarade de son mari. D'ailleurs, puisque tu as été en relation avec ses parents, vous vous trouverez en pays de connaissance. » « C'est que, objecta Courouvre, pris d'un délicat scrupule, grâce à ma mauvaise réputation, je ne suis pas en odeur de sainteté chez les gens vertueux. » Et ma présence dans un jeune ménage pourrait faire jaser. Tu plaisantes. Ma femme, tout en possédant des principes solides, n'a pas d'idées étroites. Elle t'accueillera sans crainte, parce qu'elle est sans reproche. Ouais, pensait Antoine, voilà un mari bien convaincu de la vertu impeccable de son épouse. Involontairement, il jugeait cette confiance conjugale fort outrecuidante. À ses oreilles, les paroles d'Onésime sonnaient un peu comme un défi. Une perverse curiosité le poussait à connaître cette descendante des Belleruptes de l'île, si exceptionnellement ferrée sur les principes et si inaccessible aux tentations. Elle aura rudement dérogé, se disait-il ironiquement, et vraiment ça vaudrait la peine d'être examinée de près. Sur le chapitre des qualités de sa femme, Onésime ne tarissait plus. Tu verras comme Christine a su arranger notre nid, c'est une fée. Son salon, toujours fleuri, hiver comme été, est un petit paradis. Elle coupe et façonne ses robes elle-même. Elle a l'art de faire d'un rien quelque chose de coquet et de gai à l'œil. Avec cela, mignonne et fraîche comme une rose de mai. Un peu sur son quant à soi, par exemple, et ne se familiarisant guère avec les gens. Mais ça lui donne un petit air de duchesse qui le va ravir et qui me relève à mes propres yeux. Elle a un abord légèrement dédaigneux, qui m'impose parfois moi-même. Elle est supérieurement élevée, spirituelle, et quand elle saura que tu es de son monde, elle t'accueillera avec plaisir. Entendu, n'est-ce pas? Tu acceptes. Soit, répondit Courouvre, dont ce portrait piquait l'intérêt. Puisque tu insistes si amicalement, je serai ton hôte pendant deux ou trois jours. Je gênerai peu, du reste, Madame d'Ordelu, car j'ai l'habitude de courir les bois toute la journée, et nous ne nous verrons guère que le soir. Tu seras libre comme l'air. Tiens, vois-tu là-bas, à main droite, ce chalet où grimpe de la vigne vierge, c'est notre maison. Tout en bavardant, Ils avaient en effet franchi la distance qui sépare les îlettes des Senades, et déjà le homme d'Onésime d'Ordelu se montrait au-dessus d'un fouillis d'arbres verts. La maison, construite en briques et en bois, dans le goût un peu banal de ces pseudo-chalets chers aux bourgeois, était élevée d'un étage sur rez-de-chaussée entre une cour plantée de fusains et un jardin assez vaste qui dévalait vers la Bièmes. À mesure qu'on approchait, Onésime devenait songeur. Un certain embarras dans la démarche, un certain pli du front, Courrouvre devinait que le brave garçon n'était pas aussi sûr qu'il s'en était vanté de l'accueil de Madame d'Ordelu. Il poussa la grille avec précaution, gravit le perron sans bruit, et marchant sur la pointe des pieds comme dans la chambre d'un malade, introduisit son ami dans une salle à manger meublée de chêne. « Christine, dit-il à mi-voix, doit être là-haut. Attends-moi ici, je vais la prévenir. »